Hamlet entre à ce moment-là pour tuer Clodius, mais il hésite et préfère attendre un moment plus opportun. Puis il se rend chez sa mère, qui l'attend dans sa chambre, ainsi que Polonius, caché derrière une tapisserie de cette chambre.